Le prince du royaume thaïlandais Mahabhadralongkorn a fait parvenir le 30 novembre un message de réponse au maréchal Kim Jong-un. Le destinataire a exprimé sa vive reconnaissance au nom de Sa Majesté la Reine Silkit et de la famille royale au maréchal Kim Jong-un qui a témoigné du soutien à l'époque la plus difficile en Thaïlande. Il a noté que le témoignage de ses condoléances était la source de la grande consolation et il a formulé les remerciements chaleureux pour sa sympathie cordiale.